Quelques grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Laetitia, 31 ans, vendeuse. Elle vit à Fleury-Mérogis. Bonjour Laetitia. Bonjour. Comment vas-tu? Merci, ça va très très bien, surtout que je suis avec toi. Alors tu es vendeuse dans quel domaine si je puis me permettre? Dans la parapharmacie. Dans la parapharmacie, ah c'est génial, ça fait longtemps? Ça va faire 5 ans. 5 ans, d'accord. Et tu nous appelles pour nous conter un bonheur en parapharmacie ou un autre? Non, rien à voir. Personnel. D'accord. D'ailleurs, en parlant de personnel, j'entends de l'écho. Tu t'es isolée quelque part pour ne pas être embêtée, c'est ça? Tout à fait. Mes enfants y dorment, donc je me suis un petit peu cachée pour pas que je sois dérangée. Tu as des enfants? Ils ont quel âge? Tu en as combien? J'en ai 3. Donc j'ai un fils, un garçon de 6 ans, une fille de 4 ans et ma dernière qui va avoir 2 ans bientôt. Ah oui, j'imagine que ça n'est pas de tout repos et je comprends que tu te sois enfermée. Ça va, tu comprends. Alors, les trêves de plaisanterie, je t'écoute. Alors, mon petit bonheur, j'avais eu plein pendant les vacances scolaires pour fêter Noël. Oui. Donc, je suis allée chercher ma grand-mère. Oui. Que je vois peut-être une ou deux fois dans l'année, hein, parce que du coup, elle était un peu loin, j'ai pas le permis, donc c'était compliqué de s'organiser. D'accord, ta grand-mère donc, maternelle? Non, c'est maternelle. D'accord. Du côté de ma maman, donc je suis allée la chercher avec mon conjoint, on est parti et on l'a prise pendant une semaine à la maison. C'est la première fois qu'elle est venue à la maison. Ah, oh, c'est génial. Donc du coup, j'ai fait des activités avec elle, j'ai planifié plein de choses pour qu'elle ne s'ennuie pas et qu'elle voit un maximum de choses ici. Et du coup, ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas vu sa fille. 13 ans? Du coup, oui, 13 ans qu'elle n'avait pas vu une de ses filles. Elle a 6 enfants, ma grand-mère. D'accord. Et ça faisait 13 ans qu'elle n'avait pas vu sa fille et sa petite fille, donc du coup ma cousine. D'accord. Donc, wow. J'ai appelé ma tante, je lui ai dit d'aller ma sa mère à la maison et je lui ai dit de passer manger un morceau avec nous pour briser la glace en fait, parce que je ne comprenais pas pourquoi on passe autant de temps sans voir sa maman et sans voir sa fille. Oui. Donc j'ai organisé tout ça. Avec l'aide de mon autre tante. D'accord. Du coup, on était. On a fait un petit repas, c'était fraternel, c'était très bien. Et ma tante, elle a ri avec ma cousine, et là, je vois ma grand-mère pleurer. Et ça m'a mis tellement en joie, et j'étais tellement contente parce qu'elle n'est pas éternelle, je sais très bien. Oui. Donc du coup, je me dis, là, pour y arriver n'importe quoi, elle partirait en paix, en fait. C'est bête, hein, mais j'ai pensé à ça tout de suite. Et ça m'a fait pleurer, j'ai pleuré comme elle. Et du coup, ça m'a mis en joie, mais c'était des larmes de joie. Hein. Oui, bien sûr. Parce que j'ai vu qu'en fait, malgré toutes les années, il n'y a pas eu de rapport conflictuel, en fait. C'était que de l'amour qui est venu à ça, et ça m'a tellement touchée. C'est vraiment très heureuse. Ah, c'est génial. Et pour le coup, le repas s'est bien passé, alors, j'imagine. Ah oui. Du coup, ma tante, elle avait ramené des desserts et tout. Et du coup, ça, c'est la continuité du repas. Franchement, c'était très bien. Et du coup, ils ont gardé contact. Elles sont appelées 2 jours après. Ça restait une heure au téléphone. Donc, voilà. Tout a repris. Et ma grand-mère, elle m'a appelée. Elle m'a dit, j'ai passé le plus beau Noël de ma vie. Donc, franchement, j'étais très, très, très, très, très contente. Ah, ça me donne des frissons, ce que tu me racontes. C'est wow. Franchement, c'était... Ah, j'étais dans une joie et... Ah, j'étais bien pour l'instant, après. Ah, je veux bien te croire. Et en plus, là, quelque part, tu as été l'instigatrice de ton propre bonheur en créant le bonheur des autres. C'est génial. Oui, voilà, c'est tout à fait ça, oui. C'est génial. J'avais 2 ans de faire. J'en ai parlé à mon conjoint. Il m'a dit, s'il faut, on s'invitera à manger. On sera en sorte de les réunir et tout. Et c'est pas ça, c'est très, très bien passé. Et voilà. Franchement, je pensais qu'il y avait j'avais peur qu'il y avait des petits trucs à remonter, parce qu'au bout de 13 ans, quand même, on reproche des choses, forcément. Et là, pas du tout. C'était comme si c'était vu hier, quoi. Franchement, c'était semaines, c'est que franchement, j'ai vu ma grand-mère heureuse, j'ai vu ma tante contente, et c'était ce qui m'est comparé. Ah oui, magnifique, c'est le mot, et on se rend compte dans ton histoire que tu sembles bien entourée, parce que tu as un conjoint qui semble à l'écoute, qui a fait la démarche avec toi, et je ne sais pas si tu as un rôle clé dans ta famille, mais en tout cas dans cette histoire tu l'as eu, et tu as été un peu le trait d'union, la réunification un peu à la Koh-Lanta. non, c'est génial, comme tu le dis, les gens ne sont pas éternels, et ce que tu as fait c'est juste super, et je comprends que ça t'ait procuré autant de bonheur. Merci de nous partager ça. Merci à toi de me faire revivre cet instant, parce que vraiment c'était magique. Je te l'ai dit, ça me donne des frissons, c'est juste magnifique. J'imagine la matriarche comme ça, ça devait être tellement émouvant et tellement plein de joie, de bonheur. Waouh! Merci à toi de m'avoir fait partager ça aussi. Je t'en prie, écoute, n'hésite pas surtout à nous recontacter si tu as un autre bonheur à nous compter. Prends soin de toi, de ta grand-mère, de ta tante et de tes enfants et ton conjoint. Qui ont l'air vraiment très précieux. Je te dis à très très bientôt, j'espère. Oui, moi aussi, allez, merci beaucoup. Merci, et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur.